Vous écoutez? La croche-oreille. Salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille, l'aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1, une radio qu'on retrouve également sur la toile à ckrl.qc.ca pour ceux et celles qui ont perdu ou bien le poste ou bien les ondes. Gaëtan Gosselin au microphone, heureux de vous retrouver ce soir pour une première de trois émissions ayant pour thème les relations, les affinités, les rapports qu'entretiennent depuis plus d'un siècle la table tournante, le disque vinyle et la création sonore au sens artistique du terme, la création sonore actuelle. Je vous propose donc un parcours qui sera assez linéaire pour ce qui est de l'histoire de ce mariage du sonore et des platines, mais vous allez voir, je vais illustrer le propos et le parcours historique à partir d'œuvres sonores très actuelles, bien que certaines création d'époque, vous vous en doutez bien, demeure incontournable pour se faire l'oreille. Ça fait tout de même quelques années que je réfléchis à ce projet et je ne vous cacherai pas que le 50e anniversaire de la culture hip-hop en 2023 est venu un peu me chercher, comme on dit. S'il est un instrument, une machine qui est bien ancrée dans cette culture hip-hop, c'est bien le tourne-disque, la platine, pick-up, table tournante et tous ces dérivés linguistiques désormais répandus dans de nombreuses cultures. J'en cite quelques-uns, l'aiguille qu'on a appelait aussi le diamant, le long jeu, le micro-sillon, le 45 tours, puis le disco qui s'amène, le DJ, le groove, le scratch, la platine à entraînement direct, oui, et j'en passe. Et pour lancer le bal ce soir, que diriez-vous qu'on écoute un classique de grand wizard Théodore, ce garçon né dans le Bronx qui va inventer la technique du scratch, une technique qu'il aurait inventée, dit-on par hasard, dans sa chambre, en réaction à une petite colère de sa mère. Alors, on écoute ça. Ça s'intitule « Military Cut » de Theodore Livingstone, dit grand wizard Théodore. Look, people, you heard it on the radio, you seen it on a TV show. A to the K. A to the motherfucking C. Firing line. Ready on the left. Ready on the firing line. Grand Wizard Théodore. Alors, on va ce soir entreprendre un voyage dans l'univers des arts sonores et de l'expérimentation en compagnie du disque vinyle, je l'ai dit, du tourne-disque. Deux objets, deux sujets pour lesquels on a tous une histoire de jeunesse ou bien une expérience à raconter, comme ces chansons qu'on a fait tourner à 78 tours plutôt qu'à 45, ce long jeu de Led Zeppelin qu'un ami m'a piqué, cette chanson préférée qui saute interminablement sur une rayure, l'écoute d'une chanson de Gainsbourg en bordure de trottoir sur un pick-up à batterie à les années 70, et le disque oublié sur la banquette de la voiture, tordu, foutu, et puis le poids des disques lors d'un déménagement, l'odeur des albums entre les allées du disquaire. Évidemment que le disque et le tourne-disque ont été et demeurent pour plusieurs d'entre nous un compagnon de vie quotidienne, et tellement ils ont marqué de leur présence depuis un siècle la culture populaire. Une culture populaire du disque et de la table tournante qui a glissé au fil des ans dans l'univers de la culture savante, du savoir au sens académique et pédagogique du terme. Ça n'a pas tardé que la table tournante et le disque ont fini par intéresser et inspirer l'imaginaire des écrivains, philosophes, historiens, scientifiques, et puis les peintres, sculpteurs, musiciens et artistes sonores, évidemment. Et on va, au cours de ces trois émissions, en évoquer plus d'un. Cela dit, on poursuit la soirée sonore avec une magnifique création de Pierre-Luc Lecourt, accompagné cette fois de Charlotte Layet à la clarinette basse. C'est un projet intitulé « Paysages imaginaires » qui met en scène un gramophone utilisé à la fois pour échantillonner des disques vinyles et pour produire des sons percussifs à l'aide de son cornet métallique. Ce projet nommé Paysage imaginaire est aussi un hommage à la série Imaginary Landscape de John Cage, qui jouera, vous le verrez, un rôle important dans l'évolution artistique de la table tournante. La table tournante, le disque, eh bien, ils font désormais partie de l'histoire des inventions technologiques et des appareillages vraiment incontournables d'une époque, de l'histoire de la musique et de ses instrumentations. Alors, vous savez ça. Chose mémorable avec l'invention du phono, on avait désormais à portée de main une machine qui enregistrait la voix et la rediffusait en l'absence des protagonistes. C'était franchement révolutionnaire, un peu comme la photographie, une trace de quelque chose qui s'est passé sur le plan audio. Il faut aussi souligner l'importance du disque et du tourne-disque dans l'histoire des identités nationales, des outils d'endoctrinement des populations. Bon, on se réfère souvent à Lénine, l'histoire des mouvements sociaux. On pense évidemment à la lutte pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis, aux manifestations de la contre-culture et puis enfin l'importance de tout ça dans l'histoire de l'art en général et des arts sonores, évidemment, ce qui nous intéresse plus particulièrement ce soir. Enrico Caruso dit La mère Moore, bon, ça date de 1908, mais on raconte que le ténor napolitain Enrico Caruso est l'une des premières vedettes du phono et que son premier enregistrement réalisé en 1902 dans une chambre d'hôtel à Milan aurait joué un rôle majeur dans le succès social et économique du phonographe selon le New York Times. Ça me sert évidemment d'introduction pour dire tout le pouvoir qu'ont eu le disque et la table tournante sur l'imaginaire des gens. C'est l'artiste Christian Marclay qui raconte ceci, j'ouvre les guillemets, « J'ai toujours fait des choses bizarres avec des disques. Ils ont cette puissante valeur symbolique. C'est quelque chose d'obsolète, mais qui continue d'être approprié par les jeunes générations. Il y a un côté physique et allégorique qu'ils aiment. » Je referme les guillemets. Marclay a bien raison. Le vinyle, eh bien, il a inspiré et inspire encore de nombreux musiciens, artisans et encore plusieurs artistes de tous les domaines quand on pense aux œuvres visuelles de Robert Rauschenberg, de Jean-Michel Basquiat, aux disques fragmentés de Martin Tétrault, bien sûr, aux installations du Québécois Raymond Gervais, pour citer quelques créateurs dont je vous reparlerai. Alors, on comprend que fasciné par cet univers du disque et du tourne-disque, les artistes ont fait surgir des expressions diverses sous la forme de concepts, d'icônes, de documents, d'archives, d'artefacts, d'installations et de dispositifs si transcendants qu'est né autour du disque et des platines une sorte de fétichisme, en tout cas des mythologies. On a juste à entendre ceux qui tripent, comme on dit, sur les disques. Là-dessus, Je vous fais entendre des sonorités de l'artiste sonore et platiniste français Eric M., une magnifique création tirée de l'album Monoface Mirror. Il y a des bourrasques surprenantes, dit-on, de saxophones free jazz dès le début du single track qui se fondent dans ce qui pourrait être des cors tibétains ultra basses, le tout superposé à des scratchs de vinyle et à des drones bourdonnants. Ça, c'est bien écrit par les commentateurs. Alors, on écoute cette pièce. Sans cesse sur Brest ce jour-là. Et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest, et je t'ai croisé rue de Siam. Tu souriais, et moi je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara. Toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas, rappelle-toi. Rappelle-toi quand même ce jour-là. N'oublie pas. Un homme sous un porche s'abritait et il a crié ton nom, Barbara. Et tu as couru vers lui sous la pluie, vie épanouie. Et ne m'en veux pas si je te tue à tous ceux que j'aime. Même si je ne les ai vus qu'une seule fois, je dis tu à tous ceux qui s'aiment. Même si je ne les connais pas. Rappelle-toi, Barbara. N'oublie pas cette pluie sage et heureuse sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse. Cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau de Wesson. Oh, Barbara. Quelle connerie la guerre. Qu'es-tu devenu maintenant? Tout cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang. Et celui qui te serrait dans ses bras amoureusement, ses bras amoureusement, est-il mort, disparu, ou bien encore vivant? Ah, Barbara, il pleut sans cesse sur Brest. Travail très impressionnant d'Eric M. Mais bon, revenons à la genèse et au développement de cette aventure du disque et du platine que je divise en trois grandes périodes qui feront le contenu de trois émissions. Alors, première période qu'on va explorer ensemble ce soir va de l'invention du gramophone par Edison en 1884 aux premières utilisations des disques et platines dans le domaine de la création musicale. Bon, avec John Cage notamment, on parlera en seconde partie d'émission. On va s'intéresser au potentiel du disque comme outil de création artistique à partir des années 40 jusqu'à sa formidable éclosion au sein de la culture hip-hop. Et là, on est au milieu des années 70. Et puis, on va ensuite, dans un troisième temps, jeter un coup d'œil et d'oreille, bien sûr, sur la diversité des pratiques d'art sonore et d'expérimentation artistique qu'ont inspiré le disque, tourne-disque, platine et autres bidules de même famille, parce qu'il y en a plusieurs. Dans cette veine, je vous fais entendre sans tarder une création de l'ensemble londonien Quadraphonic Stylus Ensemble. C'est une création combinant collage et improvisation, collage de disques évidemment. C'est tiré d'un projet intitulé Fortet in 16 Locked Groove. Alors, ben voilà, on écoute ça. Eh bien, cette grande histoire du tourne-disque et des vinyles tout format qui vont l'accompagner, eh bien, ça débute avec le français Scott de Martinville qui réussit autour de 1857, tout de même, ça fait un bail, à graver la chanson « Au clair de la lune » sur un tube enduit de noir de fumée. Et puis, 20 ans plus tard, l'Américain Thomas Edison invente le phonographe dans le but d'enregistrer les conversations téléphoniques et non pas faire de la musique. Alors, la gravure sur tube sera vite remplacé par la gravure sur disque en 1887 et l'arrivée du gramophone, gracieuseté d'Émile Berliner, américain d'origine allemande. Alors, le disque 78 tours, eh bien, il est né. Le pick-up électrifié se pointe autour de 1920 et devient manifestement populaire et accessible au début des années 50. C'est le début de l'histoire. Et là-dessus, je vous fais entendre une création de Paul de Marinis, un artiste et un pionnier de l'histoire de la musique électronique depuis les années 70. Il s'est particulièrement intéressé à l'histoire des technologies d'enregistrement et à l'univers idéologique de Thomas Edison dans un vaste projet intitulé « L'effet Edison ». Alors, on écoute un extrait d'une pièce intitulée « Edison's Piano ». C'est une création basée sur d'anciens enregistrements, 78 tours, et puis des cylindres aussi, qui ont été remappés et rejoués sur un piano électronique et un harmonica en verre, et finalement recoupés et lus comme un nouveau cylindre. Alors, Paul de Marinis, Edison's Piano, Song Without Truth. C'était Paul de Marinis, tiré de son projet L'effet Edison. Évidemment que l'expérimentation sonore va rapidement s'emparer de ce nouveau mode d'enregistrement et de reproduction musicale inventé par Edison, Berliner et j'en passe. Les premières expériences seront, somme toute, assez anecdotiques, semblables à celles que vous et moi avons menées. Tout simplement, on ralentit, on accélère les vitesses qui transforment le son. Les vendeurs de phono, les premiers vendeurs de phono s'amusaient à cette technique. Donc, on ralentit, on accélère les vitesses qui transforment le son, on opère des sauts de sillon et puis, au début, le ressort du phono s'épuise, ce qui ralentit naturellement le rythme et génère de nouveaux sons. Donc, premières expérimentations sonores un peu à l'insu des protagonistes. Et il faut dire que le son devient aussi un élément d'intérêt grandissant avec le développement industriel, la migration des travailleurs de la campagne vers la ville, l'urbanisation, l'électrification, bien sûr, et l'omniprésence des machines. Alors, je résume, mais on va, disons, constater une mouvance qui s'opère en parallèle dans les arts au début du 20e siècle, avec de nouvelles conceptions du monde et de l'art incarné par le futurisme, la pensée bruitiste, le dadaïsme. Bon, en musique, on parle du dodécaphonisme et puis, bon, le surréalisme en peinture, en littérature, le lettrisme, la poésie sonore. En somme, les temps changent et l'art des sons n'y échappe pas. On écoute cette fois les très contemporains Martin Tétrault et Otomo Yoshoide qui nous offrent leur morceau de machine. Vous écoutez CKRL Radio. Vous écoutez La Croche Oreille. L'accroche-oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1. Gaëtan Gosselin au microphone. On se retrouve ce soir pour une première de trois émissions ayant pour sujet sonore la table tournante, le disque vinyle et tous ses dérivés sur le plan de la création sonore et musicale. Il va sans dire. Depuis l'invention du tourne-disque, les années 20, entre autres, vont sans doute marquer un tournant. Ces années qu'on appelle, à juste titre, les années folles, qui resteront emblématiques sur le plan artistique. Alors, parmi les premières expérimentations artistiques du disque et du tourne-disque, on retient un spectacle dada du compositeur Stéphane Volpé, réunissant 8 interprètes faisant jouer simultanément des enregistrements de la 5e de Beethoven sur des tourne-disques Vitrola, en avant et en arrière-plan et à des vitesses différentes. Alors, premières expérimentations. L'artiste allemand Molinage, associé au mouvement Bauhaus, imagine dans un texte de 1922 tout le potentiel du disque, et pas seulement pour la reproduction des sons, mais aussi pour la production de nouvelles expériences musicales et sonores. Alors, on l'aura écouté dans les années qui vont suivre. Et c'est probablement dans cette veine que le poète sonore Kurt Schwitters va publier sur disque dès 1925 sa propre version du Scherzo de sa Ursonate. Et à peu près à la même époque, le compositeur italien Ottorino Respighi accompagne un poème symphonique d'un enregistrement sur disque d'un rossignol, à faire jouer pendant environ une minute à la fin du troisième mouvement. Alors, ça devient de plus en plus sérieux et complexe. Alors, ça se passe et ça inspire aussi d'autres compositeurs, dont Paul Hindemith et Ernst Torch, par exemple, qui vont inventer, dit-on, au début des années 30, le gramophone music en écrivant des partitions pour voix et disques de gramophone préenregistrés dans le cadre d'un concert. Eh bien, pas de doute que tout ça soit annonciateur des travaux de John Cage et de la montée en puissance du tourne-disque comme instrument de musique. Alors voilà ce qui se pointe à l'horizon. Alors on va écouter pour compléter la demi une création d'une artiste sonore réputée pour son utilisation de disques fabriqués à la main, produits à l'unité. C'est créé en prenant une matrice de disques en aluminium recouvert de laque. Depuis la fin des années 1990, Marina Rosenfeld a conçu des disques spécialement pour des performances en direct. Ses œuvres explorent, dit-on, les traces matérielles de l'expérience sensorielle, notamment à travers le son et sa mise en scène. Le disque commence, dit-elle, par le geste concret de poser l'aiguille. Alors, on a bien fait ça. Tout à fait juste, on écoute un court extrait de la création intitulée « Two ». C'est tiré d'un album intitulé « Joy of Fear ». On constate que l'intérêt pour le disque et le tourne-disque va s'amplifier, s'élargir au cours des années 30 pour toucher les esprits au-delà du monde musical ou sonore. La table tournante et le disque inspirent les artistes, les intellectuels. Bon, je donne quelques exemples. Blaise Cendrars a fait paraître un roman, on est en 1929, qu'il dit phonographique. Ça s'intitule Dan Yak. Le plasticien Marcel Duchamp a l'idée de montrer ses rotoreliefs, des dessins de formes circulaires et spiralées en utilisant des phonographes. Il raconte « Je voulais faire un jeu avec les disques et les spirales que j'ai utilisées pour mon film. J'ai donc placé mes rotoreliefs sur les plateaux tournants de 6 phonographes Vitrola aux vitesses optimales de 40 à 60 tours minute pour produire un effet 3D ou encore hypnotique de conclure du chant. Bon, est-ce que c'est annonciateur de la mouvance psychédélique? Vous me direz, chose certaine, le disque et le tourne-disque font agir et réagir. Alors, pendant que le philosophe et musicologue Théodore Adorno en examine la valeur documentaire, eh bien, on invente le picture disc. L'Américain Alex Steinweiss, qui travaille chez Columbia, conçoit la première pochette illustrée d'un disque 78 tours. Le disque et le visuel discute, vous le voyez bien. On sait maintenant, qu'Andy Warhol va s'y mettre par la suite. Dans le monde de la musique expérimentale, eh bien, le compositeur Edgar Varèse, lui, va explorer la manipulation de disques à l'endroit, à l'envers, mais ne produira pas d'œuvre, dit-on. Cela dit, pour enchaîner la suite, je vous propose qu'on écoute un extrait d'une création de Christian Marclay, artiste réputé du monde des arts sonores et des platines, notamment. On va y revenir. C'est intitulé John Cage. Vous avez compris, c'est une entrée en matière. Alors voilà, années 20, années 30, les années 30 finissantes, voilà, ça mène sur la scène musicale John Cage et son Imaginary Landscape. C'est un événement qui va marquer d'une pierre blanche l'arrivée du tourne-disque et du vinyle dans l'instrumentation musicale proprement dite. Cette composition paysage imaginaire de Cage repose sur l'utilisation de deux tourne-disques à vitesse variable, d'enregistrement de fréquences, d'un piano et d'une cymbale en sourdine. Dans la version numéro 1 de 1939, les disques alternent entre deux vitesses, 33 et 78 tours, et les rythmes sont créés en soulevant et en abaissant l'aiguille sur le disque. Alors, un geste mythique. Ce sera le début pour Cage de nombreuses expérimentations du genre. Pour son Credo in Us, le joueur de phonographe reçoit pour instruction d'ajouter des fragments sonores tirés de compositions classiques, Beethoven, Sibelius ou encore Shostakovich. Pour son Imaginary Landscape No. 5, numéro 5, créé en 1952, Cage utilise 42 disques assortis de 12 tourne-disques et ajoutant plus tard des micros sur les bras de lecture. Alors, cela dit, je vous propose qu'on écoute un extrait de ce fameux Credo in Us, création de John Cage, qui daterait le premier extrait de 1949, une interprétation cette fois très actuelle de l'ensemble italien Ars Ludi Percussion, dans laquelle vous reconnaîtrez les motifs classiques, les percussions et le jeu des tables tournantes. Thank you. et moi, c'était plus nana. In touch with you guys next week. It's gonna be up. Alors, on comprend qu'à partir de ce moment et de cette création de John Cage, évidemment, que l'initiative est plutôt révolutionnaire, que l'inclusion de bruits réels et du son de la vie quotidienne, le va-et-vient des pistons, le claquement des stores métalliques des magasins qui étaient prônés par Rousselot dans son manifeste Brutus de 1912, ben, ce sera grandement facilité par le disque, sachant qu'il était de pratique courante chez les compositeurs comme Varèse, Eric Satie ou encore Igor Stravinsky d'incorporer à l'orchestre des bruits de machines réelles, donc sirènes, machines à écrire, enclume, moteur, sur scène en tant que tel. Alors, de musées portatifs et de salles de concert portatives, le disque et le tourne-disque de John Cage se métamorphose en instruments de musique et de bruit, un prolongement des Intuna Rumori de Luigi Rousselot. Alors, je vous propose qu'on écoute cette fois une création de l'artiste Christophe Migonne, un artiste canadien, québécois, qui s'est beaucoup intéressé au disque et au vinyle comme matière première. Pour illustrer le travail de Christophe, je vous relate un projet d'installation présenté en 2016. 77 disques sont installés sur une grande plateforme et le public est invité à réaliser des sillons à main levée sur les disques sans sillons avec des pièces de monnaie, des clés, des objets tranchants. Et la performance de Migonne a ensuite consisté à jouer les disques scratchés à la manière classique d'un DJ. Alors voilà, on écoute un extrait du résultat de ce projet de Christophe Migonne, une création issue de ses nombreux projets réflexifs sur le vinyle et sa matière, une création intitulée « Art Lab », c'est tiré de l'album « Record Release 7 Inch Scratch ». « bien, on vient d'entendre Christophe Migonne, une création tirée de ce projet intitulé Art Lab, qu'on retrouve sur son site d'ailleurs, qui est très riche sur ces questions touchant, entre autres, le disque et la matière vinyle en tant que telle. Alors, l'émission s'achève. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr, pour le second volet concernant les disques vinyle, table tournante et art sonore. Alors, on va, au cours de la prochaine émission, s'attarder à une période charnière, je dirais même cruciale, dans le développement des projets de création sonore assistée du tourne-disque qui ont cours au sortir de la Seconde Guerre mondiale pour connaître un déploiement extraordinaire au début des années 70. Ce sera une aventure marquée par l'invention du sillon fermé, la boucle, bien sûr, et l'émergence spectaculaire du hip-hop. Alors voilà, on termine la soirée sur des sonorités de la platiniste et commissaire péruvienne Maria Chavez. C'est une pièce intitulée Installation Hyper Memory numéro 6. Il s'agit d'une balade dans une nature qui n'existe pas, réalisée avec 4 platines et 8 aiguilles. Rien de moins. On y retrouve, raconte Chavez, la saison des pluies en Inde et le lever du soleil en Pennsylvanie. La combinaison de ces enregistrements crée un lieu qui ne sera jamais. Alors on écoute ça. Beau travail de Maria Chavez. Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir. Première phase de ce survol à grands traits de la création sonore menée avec disques et tourne-disques. Grand merci aux artistes de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres ainsi que toutes les plateformes qui ont collaboré. Cela dit, vous trouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant pour écoute. Bon, à votre guise. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 21h, pour une autre aventure sonore depuis les studios de CKRL dans Limoilou. Au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue. Thank you.